L'agnosticité, du point de vue d'une conscience qui est occulte un peu. Okay? L'agnosticité, c'est un phénomène psychologique qui met l'ego en tension. Sur le plan humain normal, scientifique, c'est bon, c'est utile, ça fait avancer la science, ça fait développer l'esprit de l'homme sur le plan psychologique. Mais la curiosité, quand elle va trop loin, et qu'elle met trop l'esprit de l'homme en tension, comme il va y avoir des météorites qui vont tomber sur la planète, qui c'est que c'est pas 169, tout autrement dit, les questions qui sont intéressantes, qui peuvent être intéressantes, mais qui n'ont pour l'individu pas qui n'amène pas à l'esprit de l'homme de repos. De la curiosité qui n'amène pas à l'esprit de repos, c'est pas bon. Juste parce que vous en parlez souvent. J'en parle souvent, effectivement, parce que c'est une date fatidique en ce qui concerne l'évolution. Il y a des gens qui ont vécu des expériences très particulières en 69, moi j'en suis un. Puis c'est une année où qui avait été même prédit par Aurobindo Daldet comme étant une année où la lumière descend sur la planète Terre, c'est-à-dire que où le contact entre l'homme et l'invisible se fait au niveau du plan mental, ainsi de suite. Fait que c'est dans ce sens-là que c'est une année importante. Tu peux aller plus loin là-dedans, puis développer, mais là, à ce moment-là, tu crées des formes, puis ça nous crée des conditions encore qui retardent notre évolution, puis qui nous empêchent de vivre de notre esprit d'une manière relaxe. On a beaucoup besoin de relax aujourd'hui. La vie est très difficile. L'homme n'a pas réponse à des grandes questions. Il y a une phénoménologie mécanique sur la Terre qui est en train de se développer, qui est extraordinaire, la révolution technologique, et ainsi de suite. Il y a des bouleversements que l'humanité va vivre, c'est normal. Mais il ne faut pas que nous, les hommes, qui avons une certaine sensibilité, une certaine conscience, se préoccupe trop de certaines curiosités, de certaines choses. Parce que premièrement, ça ne se produit pas comme on le pense. Ça ne se produira pas comme on le pense. Je vous donne un exemple. On regarde, par exemple, on prend les prophéties de Nostradamus, où Nostradamus dit que, quelque part dans le temps, la France sera envahie par le croissant. Donc, c'est toujours au 18e siècle, puis tu lis dans Nostradamus que la France va être envahie par le croissant, ou même au 19e siècle. Tu penses qu'il va y avoir une guerre. Tu penses que les Arabes vont envahir, parce que le croissant, c'est les pays d'Arabie, vont envahir la France au niveau militaire. Mais c'est pas ça qui se produit. Il y a une invasion de la France, mais ça se fait par l'immigration. La France, présentement, est envahie à cause de ce qui s'est passé en Algérie, et ainsi de suite. Ça fait que c'est très, très important de comprendre et de saisir, surtout quand on a une conscience ésotérique, une conscience un petit peu plus ouverte, de réduire le niveau de curiosité qu'on peut avoir. Que vous soyez curieux dans ce sens, que vous vous intéressiez à lire des choses, à lire des livres, ça c'est une chose, mais que vous vous engagiez trop émotivement par rapport à vos lectures, ça à ce moment-là, c'est pas bon, parce que vous nourrissez en vous des aspects de votre conscience astrale qui sont fondamentalement reliés au phénomène de la crainte. Lui, cet homme-là, a écrit un livre très intéressant. C'est bien écrit, son livre. Puis, il fait beaucoup de travail là-dedans. Puis, pour lire son livre comme il faut, faut en être désengagé. Tu lis son livre, t'en es désengagé. À ce moment-là, ben, là, tu bénéficies de son interprétation de la réalité. Ça, c'est le fun. C'est un dialogue entre l'auteur et toi en tant que lecteur. Mais si tu commences à lire des livres ésotériques ou occultes, des livres avancés, et à chercher dans ces livres-là trop de signification, parce que tu as trop de curiosité, à ce moment-là, ben, vous allez, avec le temps, affecter vos vies. Parce qu'il va se produire chez vous un découplement entre votre conscience normale, qui travaille, qui s'occupe des enfants, votre conscience diurne. Il va y avoir un découplement entre cette conscience-là et votre conscience qui est assoiffée de réponse. Et plus on est ésotérique ou plus on est occulte, plus on a une conscience assoiffée de réponse parce que on a un esprit qui est un petit peu plus volatile, un esprit un petit peu plus éveillé. Mais vous allez réaliser au cours de votre expérience, puis moi j'en suis une preuve très très convaincante, que moins t'en mieux t'es. Ça, là, vous allez dire, ben oui, ben vous tenez des conférences, puis vous parlez depuis 25 ans, et ainsi de suite, puis vous remplissez des livres. Je remplis des livres, puis je parle, seulement je ne suis pas impliqué dans ce que je dis. Je n'ai pas la curiosité que soulèvent mes œuvres, parce que je ne pense pas. Fait qu'à ce moment-là, bon, je suis libre d'écrire, je peux écrire, je peux regarder n'importe quelle question, puis la développer pour l'homme, mais moi, en tant qu'individu, j'en suis pas victime. Sinon, ben, je serais absolument affecté dans mon état mental, je pourrais pas dormir, je pourrais pas fonctionner normalement. Puis c'est pour ça que, dans mon expérience occulte, autrement dit, dans ma communication télépathique avec les pierres depuis des années, je me suis aperçu que moins je reçois l'information des autres, mieux je suis. Puis d'ailleurs, ils ne sont pas intéressés à m'en donner trop, parce que faut que ça serve. Si je donne l'information, ça sert, mais il faut que ça serve à l'extérieur de ma personne. Mais dans ma personne, ça ne sert aucunement à rien, parce que je n'ai pas de curiosité. Maintenant, pas avoir de curiosité, ça ne veut pas dire être sans dessin, puis être borné, puis pas avoir de curiosité dans mon sens, ça veut dire pas souffrir de curiosité. Si vous souffrez de curiosité, si la curiosité vous débalance au niveau de vos corps subtils, prenez un break, allez au Club Med. Dans le sens que désengagez-vous un petit peu, prenez distance, puis ensuite, vous allez vous sentir mieux. Si vous alimentez trop votre curiosité, surtout occulte, à ce moment-là, vous allez débalancer vos sens. Il y a un type là, qui est venu me voir ce soir, là, qui me disait que, monsieur là-bas, qui est venu à mes conférences il y a plusieurs années, puis quand il est venu à ma conférence, ça l'a débalancé mes corps, ça a débalancé ses corps, puis là, il revient en conférence, puis c'est normal, puis il n'y a rien là, parce que, dans le fond, il n'y a rien là. Mais quand on n'est pas habitué, puis on a de la curiosité, parce qu'on a toute la curiosité au début, je regarde le monde, mais là, en 1978, tu sais, c'était abominable ce qui se passait. Puis d'un autre côté, au cours des années, ça s'est tassé, puis le monde aujourd'hui, mais il y a un entrejet avec ma personne qui est absolument régulier, puis le monde fonctionne, puis le monde sont moins affectés parce qu'ils ont moins de curiosité qu'avant. Autrement dit, il y a eu un ajustement qui s'est fait au cours des derniers 20 ans au niveau de l'intellect. Puis ça, c'est très important pour les gens qui s'avancent dans le domaine ésotérique ou dans le domaine occulte. C'est très important. C'est évident que souvent, j'aimerais ça avoir des conférences un peu plus entretenues avec des gens qui travaillent dans des domaines qui sont... des domaines spécifiques, comme les gens qui spécialisent dans la recherche sur les ovnis, par exemple, c'est intéressant. Mais je suis obligé toujours, quand je le fais, je suis obligé toujours d'établir des paramètres. Il y avait un type en France de plusieurs années, je me rappelle plus tellement son nom, là. Comment est-ce qu'il s'appelait le français là, qui avait eu un contact avec les ovnis, là, non pas réel. Là. Pardon? Jean Miguel, c'était pas mon ami, là, mais c'était une connaissance. Puis il était venu à une de mes conférences, puis il me disait j'ai un code. Je peux les appeler quand je veux, j'ai un code avec eux autres. J'avais pris mon crayon, puis j'avais écrit le code sur du papier, puis ça l'a renversé. Puis je pense qu'il mentionne quelque part dans un de ses livres. Mais pourquoi ça l'a renversé? Parce que il n'était pas habitué à traiter avec l'information sans être impliqué. Ça fait que c'est très important pour les gens qui s'avance dans l'étude des choses paranormales, de prendre toujours une distance, parce que premièrement, vous n'aurez jamais la certitude de ce que vous savez. Que vous soyez dans le domaine des études paranormales, du monde des esprits, les poltergeists, les ovnis, tout ça. Que vous soyez dans l'étude de n'importe quel domaine soi-disant paranormal ou marginal, vous n'aurez jamais la preuve à 100% que ce que vous savez, c'est ça. Pourquoi? Parce que la méthodologie scientifique ne s'applique pas dans les mondes parallèles. Dans le monde matériel, quand tu découvres quelque chose, une méthodologie, tu peux répéter l'expérience 100 fois. Tu vas toujours avoir les mêmes résultats. Quand tu as les résultats bien établis, après ça, la communauté scientifique peut dire, bon, mais ça devient une loi. On l'applique, ça fait partie des lois. Tandis que dans les mondes parallèles, l'expérience psychologique ou psychique ou astrale ou éthérique de l'ego est toujours en flux. C'est-à-dire que quand vous êtes en contact avec des mondes qui sont régis par d'autres principes que les nôtres, vous ne pouvez pas établir des liens avec vos connaissances dans la même proportion que vous le faisiez sur le plan matériel. Parce que ce sont des mondes différents. Sinon, ce serait des mondes matériels. Ce ne sont pas des mondes matériels. Puis on a des difficultés à comprendre ça, puis à saisir ça. C'est pour ça que beaucoup de gens qui s'avancent dans les études savantes, ésotériques ou occultes, éventuellement débalancent leur corps. Parce qu'ils s'attendent à découvrir dans ces mondes-là des statuts ou des états qui conviennent parfaitement à leur ego dans la matière. Et ça ne se produit pas de même. Si ça avait été comme ça, ça fait des siècles qu'on connaîtrait le monde de la mort, qu'on connaîtrait les mondes parallèles, qu'on connaîtrait tout ce qui se passe dans l'invisible. Il y a un type, il y a quelques années, qui a écrit un livre, un Américain qui a écrit un livre sur ce qu'il appelait les UFO biologiques. Biological UFOs. Puis quand vous lisez ce livre, as-tu lu ce livre-là? Je te le donnerai, c'est bien intéressant. Quand vous lisez ce livre-là, c'est réellement fascinant. C'est réellement fascinant. Son interprétation de certains phénomènes ufologiques dans le désert, dans les déserts américains, sur les mesas, là, sur les montagnes à tête plate, c'est extraordinaire. Par contre, si vous développez une curiosité trop acharnée par rapport à ces dictées-là ou ces informations-là, vous ne pourrez pas vous saturer psychologiquement. Parce que ce qui se passe, c'est que votre centre mental s'ouvre, puis en même temps que votre centre mental s'ouvre, c'est-à-dire que votre esprit se met en vibration, votre corps astral, lui, cherche à absorber une partie de cette énergie-là pour satisfaire votre ego. Et en faisant ceci, vous débarrassez vos corps. Pourquoi? Parce que vous pensez. Fait qu'un type qui lit un livre comme ça, puis il y en a beaucoup de livres de cet ordre-là, automatiquement développe en lui une curiosité qui peut être suffisamment allumée pour débalancer son esprit pour le restant de ses jours. Puis ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai jamais été, à un certain moment donné dans mon expérience, par exemple avec Richard Glenn à Montréal, à un certain moment donné, j'ai cessé de faire des conférences avec lui, parce que j'étais intéressé à ouvrir sur le plan de la conscience supramentale, puis naturellement, Richard me revenait toujours sur le plan des études ufologiques, puis à un certain moment donné, là, je voulais plus en parler du phénomène OVNI, puis finalement, on a rompu le travail là, mais pour expliquer ou faire comprendre que la curiosité n'a pour l'homme aucune satisfaction intégrale quand elle traite de choses qui ne font pas partie de son monde. Si vous voulez la curiosité, utilisez-la en fonction de la science matérielle, des sens, en fonction d'une méthodologie scientifique à l'université, dans vos laboratoires. Là, vous pouvez utiliser votre curiosité à l'extrême et devenir de grands penseurs, de grands théoriciens, de grands scientifiques. Mais sur le plan occulte, apprenez à vous restreindre au niveau de la curiosité et à ne traiter avec les sujets que d'une manière de plus en plus objective et désengagée. Si vous faites ça, bien à ce moment-là, il va se produire deux choses. Premièrement, vous allez commencer à développer une perception personnelle du phénomène lui-même. Si on me demandait à moi, par exemple, que j'étais willing, par exemple, d'en discuter, si on me disait, bon ben, c'est quoi Bernard ton opinion sur les ovnis biologiques, ou c'est quoi ton opinion sur les ovnis, ou c'est toi son opinion sur ci ou sur ça, je vous donnerais mon opinion, ce qu'on appelle une opinion, c'est-à-dire que je vous répondrais en fonction de ce que vous avez besoin de savoir, point final. Mais moi, je ne m'impliquerai aucunement dans ce que j'énoncerai par rapport à votre personne, parce que je ne suis pas intéressé à ce que je peux savoir. Ma curiosité, elle a été brûlée dans la fusion. Et ça, c'est ma protection. C'est ça qui me permet aujourd'hui de parler de n'importe quoi, d'étudier n'importe quoi, de regarder dans n'importe quelle direction, mais de ne pas débalancer ma vie. Sans ça, je serais un genre de Dieu. Fait qu'il y a là le point, là. C'est pour ça que je me sers de votre intervention, pour parler de curiosité, puis vous verrez que dans votre expérience, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous allez en venir un jour. C'est un exemple. Le type avec des lunettes, là, toi, là, là, les cheveux gris. Vous allez en venir, puis vous en êtes venu au cours des années à apprendre à couler ça. Puis à prendre du recul, puis à prendre du recul, puis à prendre du recul. Puis à partir du moment où vous êtes capable de prendre du recul, ben à ce moment-là, les choses sont moins. Le matériel, les connaissances ésotériques ou la recherche ésotérique est moins tendue. Là. Il y a plus de relax là-dedans. Puis là, vous êtes. Puis vous devenez plus parlable aussi, puis c'est plus intéressant. Sans ça, vous n'êtes pas parlable. Tu sais, le phénomène de la curiosité, il faut qu'il soit étudié par rapport à l'occulte ou par rapport au marginal. Il faut que vous le compreniez, ça. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez vous embarquer dans des expériences puis dans des voyages qui vont vous mener nulle part. Nulle part. Je vous ai toujours dit que la connaissance, c'est une illusion. Le seul plan où la connaissance est utile, c'est dans la matière. Et même dans la matière, la connaissance a ses limites. Mais au moins, elle évolue, puis graduellement, elle en vient à se stabiliser. Par exemple, les lois de Newton, c'est les lois fixes. Ça bouge pas. Mais lorsque vous commencez à appliquer la recherche psychologique à des niveaux d'expérience qui sont totalement en flux, soit sur le plan astral, sur le plan éthérique, sur le plan mental, les ovnis, tout ça, là, tout ce qui fascine l'homme, tout ce qui concerne les origines de la conscience, les origines de l'humanité, vous allez voir un jour que le seul moment dans votre expérience où vous allez être sûr, que vous allez être sûr à 100% que l'homme ne vient pas du singe, c'est quand vous allez être sur un autre plan. Vous n'aurez jamais la certitude. Quand même qu'on écrira des livres sur l'Atlantide, vous verrez que les gens qui écrivent des livres sur l'Atlantide, il y en a un qui va écrire un livre, ça va être dans une vibration. L'un autre va écrire un livre, c'est dans une autre vibration. Un autre va écrire un livre, c'est dans une autre vibration. Il n'y a aucune œuvre ésotérique dans le monde. Autrement dit, il n'y a aucun consensus ésotérique ou occulte dans le monde. Il y a plus de consensus dans la science matérielle dans le monde qu'il y en a en ce qui concerne les sciences paranormales. Deux physicistes qui se rencontrent, ils parlent à l'intérieur d'un consensus suffisamment universalisé dans leur profession. Les médecins tendent vers ça lentement. Les psychologues cherchent ça de plus en plus. Mais dans le monde paranormal, dans le monde occulte, le consensus n'existe pas et probablement qu'il n'existera jamais. Pourquoi? Parce que les entités astrales ou les entités dans le monde mental vous diront toujours que ce que l'homme doit connaître sur la Terre, ce n'est pas les envers de son histoire, autrement dit, ce n'est pas l'envers de son expérience spatio-temporelle, c'est comment il doit traiter avec ces mondes-là qui interpénètrent et qui influent dans sa spatio-temporalité. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent que l'homme connaisse les lois de la vie. Ils veulent que l'homme sache comment traiter avec les forces qui travaillent à travers son ego, sa conscience, diurne, nocturne, à tous les jours, pour que l'homme arrive à comprendre suffisamment les lois de la vie pour avoir une conscience éveillée. C'est tout ce qui les intéresse. Après ça, c'est la mort moroncienne, en contradistinction avec la mort astrale. Et à partir de la mort moroncienne, à ce moment-là, l'homme garde sa conscience et l'homme pourra commencer à construire et à développer des nouvelles civilisations qui ne font pas partie de l'agenda actuel de son âme sur le plan astral. Mais dans l'évolution, ça va venir et l'homme créera de nouvelles civilisations qui seront totalement à l'apogée de sa conscience. Et ça, ça se fera au cours de son évolution jupitérienne. Mais en attendant, sur la Terre, la planète Terre, c'est une école pour l'âme. C'est seulement une école pour l'âme. Pas d'autre chose. C'est la seule raison pour laquelle l'homme vient sur la Terre, parce que c'est une école. Et le but de la vie cosmique, ce n'est pas de créer sur la Terre une civilisation permanente. Le but de la vie cosmique sur la Terre, c'est de permettre éventuellement que l'homme, en relation de conscience avec les autres plans, en arrive à un éveil suffisamment développé pour que le feu cosmique s'installe dans sa conscience, donne à son âme une vibration qui est suffisamment avancée ou élevée pour que le pont s'établisse entre l'invisible et lui-même en tant qu'être créatif. Et à partir de ce moment-là, l'homme gardera sa conscience, conservera sa conscience après la mort. Au lieu d'aller en forme astrale, l'homme ira en forme éthérique et l'homme pourra finalement commencer à développer des nouveaux systèmes de vie qui font partie d'un agenda cosmique qui n'est pas révélé encore aux initiés sur la Terre. Dans ce sens-là, la curiosité qu'on a aujourd'hui est simplement un manque d'expérience avec des données tellement vastes que si l'ego accédait à ces données-là, sa vie normale sur la Terre s'arrêterait et l'homme ne pourrait plus, sous plan matériel, justifier son existence. Ça, on appelle ça la folie. Donc, pour que vous puissiez justifier votre expérience, c'est-à-dire garder un équilibre entre votre âme et votre corps matériel, regardez, comment est-ce que ça s'appelle, l'actrice qui s'est suicidée hier, là, aujourd'hui, Pauline Julien, elle ne pouvait plus justifier son existence. Quand un esprit ne peut plus justifier, ou une âme ne peut plus justifier son expérience, on n'est pas loin de la mort. Autrement dit, la fonctionnalité normale du corps mental, éthérique, astral, se défait, et à ce moment-là, l'aide veut sortir de son enveloppe matérielle. Alors, c'est la même chose en ce qui concerne un trop plein de curiosité. C'est pas bon. Et ça fait partie, ça doit faire partie de l'enseignement des nouveaux temps. Pour que l'homme en arrive finalement à traiter avec des grandes choses, mais d'une manière réellement dirigée, contrôlée par lui-même, et toujours à distance, pour ne pas éveiller en lui trop de désirs de connaissance, qui ne reflète en fait qu'une illusion de l'ego. La connaissance, c'est une illusion. La seule chose qui est réelle, c'est la réalité, et la réalité ne fait pas partie, sur le plan matériel, des composantes psychologiques de l'ego. La réalité fait partie des vibrations qui nourrissent l'ego, qui nourrissent l'âme, qui nourrissent le mental et les corps subtils de l'âme, pour donner à ce qu'on appelle l'être humain une viabilité qui dure tant d'années, 90 ans, 80 ans, whatever. Le reste, c'est purement philosophique, c'est purement idéologique, puis avec le temps, quand on a beaucoup d'expérience de l'invisible, on s'aperçoit que moins on en sait, mieux on est. Fait que, si vous commencez à lire sur les catastrophes, les comètes qui s'en viennent, puis les scies qui s'en viennent, vous allez avoir les vies toutes réglées. Parce que plus ça va mal. C'est pas que plus ça va bien. Parce que plus ça va mal, parce que tout est de plus en plus complexe. Fait qu'à ce moment-là, vous allez avoir des vies totalement débalancées. Fait qu'occupez-vous de vos vies, protégez vos vies contre la curiosité. Puis servez-vous simplement de minimum de curiosité pour aller voir un petit peu partout dans le monde, dans votre acheminement, où se situent des choses qui réfléchisse votre propre conscience. Qui réfléchisse votre conscience. Quand vous lisez quelque chose, bien, vous devriez aller regarder ce que l'auteur dit, qui réfléchit votre conscience. Fait que vous pouvez dire, ah ben, ce qu'il dit, je le sais, ça. Ce qu'il dit, je le sais, ça. Fait que si l'auteur dit quelque chose, puis vous le savez, ça veut dire qu'il y a un équilibre entre votre esprit et le sien. Mais si l'auteur dit des choses, puis il mesmérise votre esprit, à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre entre votre esprit et le sien, et par le fait même, votre esprit est mesmérisé, la curiosité devient chez vous, ou peut devenir chez vous, maladie, et c'est pour ça que soudain, des gens qui s'intéressent trop aux sciences ésotériques, sans avoir réellement compris ce phénomène de curiosité-là, débalancent leur vie. La première chose, c'est qu'ils veulent plus travailler. Le travail les intéresse pas, la famille les intéresse pas. Il y a des gens qui perdent même leur sexualité quand ils s'autorisent trop. La sexualité les intéresse pas. Ils veulent, on dirait qu'ils veulent tout éviter, là, mais matin. Faites attention, hein? Faites attention. Occupez-vous de vos vies, puis restez vos pieds bien terre à terre. Oui. Curiosité par rapport à soi-même, non, parce que si vous vous saviez vous-même, vous n'en auriez pas de curiosité par rapport à vous-même. Fait que si vous avez de la curiosité par rapport à vous-même, c'est bien plus un exercice personnel que l'ego se monte ou se crée pour se satisfaire lui-même. C'est pour vous satisfaire vous-même. Vous autres, vous allez voir les diseuses de Bonaventure ou des voyants, ainsi de suite, puis vous vivez une expérience totalement différente de vous-même. Moi, si je vais voir une voyante, je vais totalement neutraliser ce qu'elle va me dire. Ça, c'est automatique. Je vais neutraliser ce qu'elle va me dire. Tandis que vous autres, vous allez voir une voyante pour voir ce qu'elle va vous dire. Puis à ce moment-là, bien, vous vous mettez automatiquement sur la loi astrale, parce que les voyants ont des contacts ont des contacts sur le plan astral, et vous assujettissez votre vibration à la vibration de l'entité. C'est pas bon. Si vous allez voir un voyant qui vous dit, bon, mais ce mois-ci, il va se passer telle chose, vous devriez être automatiquement, ça devrait automatiquement vous mettre en tension psychique si le voyant ne vous dit pas ce qui est à votre affaire. Il y a une voyante qui est venue me voir, moi, de Hongrie, il y a plusieurs années. Et la femme, elle était très, très malheureuse parce qu'elle est allée voir une voyante qui avait dit que sa sœur était mourue à telle date, puis sa grand-mère mourait à telle date, puis une cousine mourait à telle date. Puis ils sont tous morts, hein? Puis finalement, la dernière personne qui devait mourir à telle date, c'était son mari. Fait que quand elle est venue me voir à la conférence, je me rappelle, c'était au Cégep Maisonneuve. J'ai dit, premièrement, madame, votre mari ne va pas mourir, là. J'ai dit, retournez-vous-en. Puis j'ai dit, le 25 février, j'ai dit, venez me revoir. Puis quand elle est venue me revoir, la dame, son mari n'était pas mort à la date qui avait été prévue par la voyante. Par contre, elle avait été très, très malade. Fait que j'ai dit à la dame, j'ai dit, la raison pour laquelle, d'abord, votre mari n'est pas mort parce qu'il y a eu une opposition. Il y a eu une opposition contre le plan astral. Puis, par contre, j'ai dit, vous avez été obligé de payer la note astrale, c'est pour ça que vous êtes devenu malade. Mais j'ai dit, la leçon à prendre de cette expérience-là, c'est que quand vous allez voir un voyant qui vous donne des mauvaises nouvelles comme ça, apprenez à ne pas les croire. Si vous les croyez, automatiquement, vous augmentez la probabilité astrale de l'expérience ou de l'événement. Et si vous vous mettez en opposition d'esprit, votre esprit va neutraliser le plan, la dictée ou la programmation sur le plan astral. Il y aura certainement des retombées pour rebalancer ça, parce que les énergies ne peuvent pas se perdre. Par contre, l'événement lui-même sera mis de côté.